Le but de cette méditation est de commencer la journée avec le plein d'énergie positive. Installe-toi confortablement en position de méditation, le dos bien droit et les pieds bien ancrés dans le sol. Ferme les yeux doucement et concentre-toi sur l'air qui entre et qui sort par tes narines pendant quelques minutes. Si pendant la méditation, tu es perturbé par des pensées, c'est tout à fait normal. Ramène simplement ton attention sur l'air qui entre et qui sort par tes narines. Inspire et expire trois fois très profondément. Détends ton cuir chevelu, ton front, tes paupières, tes joues, ta bouche, ta mâchoire, ton cou, tes épaules, tes bras. Ton torse, ton ventre, tes cuisses, tes jambes et tes pieds. Respiration devient un tout petit filet d'air qui rentre et qui sort par tes narines et qui vient te caresser l'intérieur de ton corps. Imagine que ce filet d'air t'apporte de la joie à chaque inspiration. Respiration devient de plus en plus lente. À chaque expiration, tu laisses sortir les tensions et la fatigue. Tu inspires la joie et l'amour, et tu expires tout ce que tu souhaites lâcher ce matin. Continue à respirer lentement, profondément. Calmement. Maintenant, à chaque inspiration, tu te remplis d'énergie. Et à l'expiration, tu laisses sortir toutes tes tensions et tout ce que tu souhaites lâcher. Imagine comme une fumée noire qui s'échappe de tes narines. Ce sont toutes les énergies négatives qui partent de ton corps pour y laisser la place à toutes les belles énergies positives dont tu as besoin aujourd'hui. Pendant quelques instants, concentre-toi sur ta respiration. Inspire l'énergie positive et expire les sensations négatives. Tu sens ton niveau d'énergie augmenter à chaque inspiration. Tu te sens parfaitement bien. Maintenant, tu prends conscience de tout ton corps. Tu ressens ton champ d'énergie et toutes les vibrations positives qui animent tes cellules. Tes préoccupations, quelles qu'elles soient, ne sont rien à côté de ces belles vibrations qui imprègne tout ton être. Continue à respirer lentement, profondément et calmement, en ressentant ces belles énergies. Ton esprit et calme et disponible. Maintenant, inspire et expire 3 fois profondément. Répète maintenant à l'intérieur de toi ou à voix haute ces affirmations. Je suis le créateur de ma vie. Je m'aime et je me fais confiance. J'ai toutes les compétences nécessaires pour mener à bien mes projets. je prends les bonnes décisions au bon moment. Je récolte le succès dans tous les domaines de ma vie. Maintenant, reviens à ta respiration. Et prends conscience de toute l'énergie positive, l'énergie de confiance dont tu viens de nourrir ton corps et ton esprit. Progressivement, reviens à ta réalité. Prends conscience de ta position dans la pièce, des points d'appui de ton corps. Puis, bouge doucement les doigts et les mains. Les pieds et les jambes. Et étire-toi doucement. Dès que tu le sens, tranquillement, en douceur, ouvre les yeux. Tu es prêt pour démarrer ta journée.